Il était une fois une jolie reine qui mit au monde un héritier. Oui, mais voilà, le petit garçon était si laid et si mal fait qu'elle en fut désespérée. Mais heureusement, une bonne fée, qui avait beaucoup de puissance, se trouvait là le jour de la naissance de l'infortuné enfant. Votre fils, oh, en compensation, possédera de grandes qualités. Et même des pouvoirs. Reine, il ne cessera d'être aimable, car il aura beaucoup d'esprit et d'intelligence. De surcroît, il aura le don de pouvoir lui-même donner de l'esprit et de l'intelligence à la personne qu'il aimera le mieux. Et en effet, ne commença-t-il pas très tôt à dire 1000 choses qui n'étaient pas de son âge et dont tout le monde était charmé? Aujourd'hui, on eût dit que Riquet, car il s'appelait Riquet, était un surdoué. On en oubliait la difformité de son corps, la laideur de son visage, la bosse qu'il avait dans son dos, sa démarche boitante, ses yeux qui louchaient un peu, son gros nez rouge et surtout sa ridicule houppe de cheveux. Car il était venu au monde avec ce petit flocon de cheveux sur le devant de la tête qui lui faisait une drôle de découpe. Aucun coiffeur n'avait réussi à le défaire de ce problème. Si bien qu'étant issu de la lignée des Riquet, il avait reçu le nom de Riquet à la houppe. Quelque temps après, la reine d'un royaume voisin eut elle-même 2 filles. La première qui vint au monde était plus belle que le jour. La même fée qui avait assisté à la naissance du petit Riquet, là aussi se trouvait présente. Et elle déclara « Cette petite princesse n'aura point d'esprit. Elle sera aussi stupide qu'elle est belle. » Ce qui mortifia la reine, vous vous en doutez. Mais celle-ci, quelques moments après, eut un bien plus grand chagrin car la seconde fille dont elle accoucha se trouva extrêmement laide. Laide comme vous n'en avez jamais vu. La bonne fée s'efforça une fois de plus de rassurer ses parents. Ne vous affligez pas tant. Cette seconde fille aura tant d'esprit qu'elle ne s'apercevra même pas qu'il lui manque de la beauté. Dieu le veuille. Mais n'y avait-il pas moyen de faire avoir un peu d'esprit à l'aînée qui est si belle? Je ne puis rien pour elle, du côté de l'esprit. Mais... La bonne fée avait bien entendu son idée derrière la tête, mais n'en souffla mot à personne. Elle fit semblant de réfléchir. Voyons. Je vais lui donner un don. Le don de pouvoir rendre beau la personne qui lui plaira. Mais elle doit connaître son pouvoir, que de la bouche de cette personne, lorsque le temps en sera venu. À mesure que ces 2 filles devinrent grandes, chacune de leur côté, leurs perfections crurent aussi avec elles. Et l'on ne parlait que de la beauté de l'aînée et de l'esprit de la cadette. L'aînée, quoique fort stupide, le remarqua bien, et elle lui donnait sans regret toute sa beauté pour avoir la moitié de l'esprit de sa sœur. Mais ça, qui peut le faire? Que voulez-vous? Quand on est bête, on est bête. Un jour, alors qu'elle se promenait tristement dans un bois, elle vit venir à elle un petit homme fort laid, un des plus laids qu'elle ait jamais vu, orné d'une houppe sur la tête, mais vêtu très magnifiquement. C'était le jeune prince Riquet à la Houppe, qui était devenu amoureux d'elle en voyant l'un de ses portraits et s'était mis en route pour avoir le plaisir de la rencontrer et juste d'avoir le plaisir de lui parler. Il l'aborda avec tout le respect et la politesse imaginable. Et après lui avoir fait toutes sortes de compliments, il lui dit « Je ne comprends pas, madame, comment une personne aussi belle que vous l'êtes peut être aussi triste que vous paraissez l'être. La beauté est un si grand avantage qu'elle doit tenir lieu de tout le reste. » Cela vous plaît à dire, messire, mais j'aimerais mieux être laide et avoir de l'esprit qu'avoir la beauté, comme vous dites, que j'ai, soi-disant, et être bête comme mes pieds. Il ne fallut pas longtemps à Riquet pour que sa langue tourne dans sa bouche. Il lui répondit du tac au tac. Eh bien, il se trouve que j'ai le pouvoir de donner de l'esprit à la personne que je dois aimer le plus. Et comme vous êtes, madame, cette personne, il ne tiendra qu'à vous que vous en ayez, pourvu que vous vouliez m'épouser. La princesse demeura tout étourdie, car elle n'avait pas de répartie, comme toutes les personnes qui sont sottes. Je vois que cette proposition vous embarrasse, et cela ne m'étonne pas, car je sais, je suis fort laid. Mais je vous donne une année tout entière pour vous y réfléchir. Cela vous donne du temps. Je vous donne donc de l'esprit pour l'année à venir. Une année. Souvenez-vous. La jeune princesse, qui avait souffert depuis tant d'années de sa bêtise, ne pensa même pas à réfléchir. D'ailleurs, le peut-on, quand on est si idiote ? J'ai, sire, si peu d'esprit et en même temps si grande envie d'en avoir que je promets tout ce que vous voulez. À l'instant même, j'accepte volontiers. Et si ce que vous dites est vrai, je vous épouserai sans aucun doute. Elle n'eut pas plutôt prononcé ces paroles qu'elle se sentit toute transformée. Elle trouva une facilité incroyable à dire tout ce qui lui plaisait et à le dire d'une manière fine, aisée et naturelle. Et elle se mit à parler avec une telle force dans ses mots que Riquet à la Houppe crut lui avoir donné plus d'esprit qu'il ne s'en était réservé pour lui-même. Lorsqu'elle fut retournée au palais, toute la cour ne sut que penser d'un changement si soudain et si extraordinaire. Mais elle eut une joie qui ne se peut imaginer. Pensez donc, désormais, elle était belle et intelligente. Que pourrait-on demander de plus à la nature? Surtout lorsque l'on est déjà princesse et dotée d'une belle fortune. Mais du moment où l'esprit lui était venu, la princesse oublia la promesse qu'elle avait faite, au temps où elle n'était qu'une sotte. Et nous allons voir maintenant ce qu'il en advint lorsque l'année fut révolue. Une princesse étourdie à l'avantage beauté. Un prince plein d'esprit porte l'amour en secret. Au hasard d'un bois, ils se sont rencontrés. Riquet fou des mois à la belle à part. Belle embarrassée de tant de compliments, ne se vit épouser en l'espace d'un instant. Il n'est tenu qu'à lui pour faire changer les choses. La belle avait envie de bien. L'engagement spirituel n'avait Dieu que pour lui. Quand on sait que la belle brillait de mille envies, le temps est assassin quand il se rappelle à vous. Il a fait son chemin, il sera son époux. Princesse étourdie à l'avantage beauté. Un prince plein d'esprit porte l'amour en secret. La fille aînée du roi, donc, était devenue si avisée que son père lui demanda conseil dans le gouvernement de son royaume. Le bruit de ce changement s'étant répandu, tous les jeunes princes des royaumes voisins firent leurs efforts pour se faire aimer par la princesse. Mais elle n'en trouva aucun qui n'eût assez d'esprit, et elle les écoutait tous sans s'engager avec aucun d'eux. Cependant, un jour, elle en vit un si puissant, si riche, si spirituel et si bien fait qu'elle ne put s'empêcher d'avoir un coup de foudre pour lui. Le roi, s'en étant aperçu, lui dit « Je vois que vous avez fait le choix d'un époux. Vous n'avez plus qu'à vous déclarer. » Mais comme plus on a d'esprit et plus on a de peine à prendre une ferme résolution sur ce genre d'affaires, elle fut très indécise. Devait-elle, ne devait-elle pas? Allait-il lui convenir pour toujours? Car le mariage est une chose fort sérieuse, dans laquelle il ne convient pas de s'engager à la légère, comme certaines personnes que je connais. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Je vous remercie, mon père, mais donnez-moi du temps pour y penser. Je ne sais pas trop quoi faire. Et par le plus grand des hasards, elle alla se promener dans le même bois où naguère elle avait trouvé Riquet à la houppe. Et c'est alors seulement que la princesse se souvient qu'il y avait un an, presque jour pour jour, elle avait promis d'épouser ce prince si celui-ci lui donnait l'esprit qui lui manquait. Riquet, lui non plus, n'avait pas oublié qu'aujourd'hui était le dernier jour de l'année qu'ils avaient fixé ensemble. À ce moment, celui-ci se présenta à elle, brave, magnifique et surtout de plus en plus amoureux. « Vous me voyez, madame, exacte à tenir ma parole, et je ne doute point que vous ne veniez ici pour exécuter la vôtre. »« Je vous avouerai franchement, messire, que je n'ai pas encore pris ma résolution là-dessus, et que je ne crois pas pouvoir jamais la prendre, telle que vous le souhaitez. »« Ah, madame, que vous me réduisez au désespoir !»« Vous savez que lorsque je vous ai fait cette promesse, je n'étais que bête. Si vous pensiez tout de bon m'épouser, vous avez eu grand tort de m'ôter ma bêtise et de me faire voir plus clair que je ne voyais. C'est moi, aujourd'hui, qui reste sans esprit. Je serais bien sot à vous reprocher votre manque de parole. Mais, madame, est-il raisonnable que les personnes qui ont de l'esprit soient plus embarrassées que celles qui n'en ont pas ? Laissez-moi, du moins, vous aimer, s'il vous plaît. Il y va de tout le bonheur de ma vie. À l'arrière de ma laideur, y a-t-il quelque chose en moi qui vous déplaise ? Nullement. Et j'aime en vous tout ce que vous venez de me dire. S'il en est ainsi, je vais être heureux, puisqu'il en est votre pouvoir de me rendre le plus aimable des hommes. Oui, sachez, madame, que la même fée qui, au jour de ma naissance, fit le don de pouvoir rendre spirituelle la personne qui me plairait, vous a aussi fait le don de rendre beau celui que vous aimerez. C'est elle qui me l'a dit, en secret, bien sûr. Charmant, ça peut rendre très intelligent. Un beau visage de prince charmant, ça peut rendre très intelligent. Mais non, Riquet, le charme vaut toutes les beautés. Mais non, Riquet, le charme vaut toutes les beautés. De grands yeux bleus s'illuminent, ont des pouvoirs si merveilleux. De grands yeux bleus s'illuminent, ont des pouvoirs si merveilleux. Mais non, Riquet, c'est très fragile à porter. Mais non, Riquet, c'est très fragile à porter. De beaux cheveux tout ondulés ajoutent au charme des chevaliers. De beaux cheveux tout ondulés ajoutent au charme des chevaliers. Mais non, sans selle, les chevaliers marchent à pied. Mais non, sans selle, les chevaliers marchent à pied. Un petit nez bien dessiné, ça plaît aux femmes en secret. Un petit nez bien dessiné, ça plaît aux femmes en secret. Mais non, Riquet, un grand nez se fait remarquer. Mais non, Riquet, un grand nez se fait remarquer. Ma bosse sur le dos, ce n'est pas beau quand on porte un joli manteau. Mais non, Riquet, ça porte bonheur à toucher. Mais non, Riquet, ça porte bonheur à toucher. Si je comprends bien, dans ce balai, mes défauts sont donc des attraits. Si je comprends bien, dans ce balai, mes défauts sont donc des attraits. Mais oui, Riquet, ton charme c'est toute ta beauté. Mais oui, Riquet, ton charme c'est toute ta beauté. Mais oui, Riquet, ton charme c'est toute ta beauté. Mais oui, Riquet, ton charme c'est toute ta beauté. Si cela est vrai, je souhaite de tout mon cœur que vous deveniez le prince du monde, le plus aimable, et je vous en fais ce don autant que je puisse. La princesse n'eut pas plus tôt prononcé ces paroles que Riquet à la Houppe parut à ses yeux l'homme le plus beau, le mieux fait et le plus aimable qu'elle n'ait jamais vu. Dans les quelques heures qui suivirent, ce ne fut plus les charmes de la fée qui opérèrent, mais seul l'amour. Certains disent que la princesse ayant réfléchi ne vit plus la difformité de son corps, ni la laideur du visage de son prétendant, pas plus que sa bosse qui ne lui sembla que le bon air d'un homme qui fait le gros dos. Certes, elle l'avait vu boiter effroyablement, mais elle ne lui trouva qu'un certain air penché qui lui donnait encore plus de charme. Ils disent encore que ses yeux qui étaient louches ne lui en parurent que plus brillants d'amour, que son gros nez rouge eut pour elle quelque chose de martial et d'héroïque, comme certains capitaines de l'armée de son père. Et qu'enfin la houppe qu'il portait symbolisait la couronne de la royauté et de son divin esprit. Quoi qu'il en soit, la princesse, charmée de la persévérance de son amant, de sa discrétion et de toutes les bonnes qualités de son âme, elle ne vit plus en lui que le charme qui devait faire de lui un merveilleux époux, et elle lui dit... Je vous épouserai, monsieur Riquet, à la houppe, pourvu que vous obteniez le consentement du roi, mon père. Et le roi, qui était un bon roi, doublé d'un bon père et pour qui les apparences n'avaient que peu d'importance, dit... Je vous reçois en tant que gendre, ô prince, puisque vous avez su inspirer de l'esprit à ma fille et que vous avez su conquérir son cœur. N'est-ce pas là le plus important, vouloir le bonheur de ses enfants? Après tout... Ce n'est pas moi qui vous épouse. Et il se mit à rire avec gaieté. Et dès le lendemain, les noces furent faites et le monde entier se réjouit de voir enfin réunis la beauté et l'esprit pour l'éternité. Les deux époux mirent au monde trois garçons et trois filles, intelligents et beaux comme le jour qui fait chanter les instruments de musique. Une morale? Quelle morale? Ah, je vois, vous voulez une morale. Ne jamais se fier aux apparences des gens. Parfois ils sont beaux, parfois ils sont laids. Mais tous possèdent une beauté à l'intérieur d'eux-mêmes. Voilà la vraie morale de cette histoire.